Ça fait plaisir de te retrouver cette semaine dans Talents d'ici. Le plaisir est en plus partagé car toutes les semaines nous battons des records. Que ce soit. Non mais sérieusement, ne levez pas les yeux derrière la technique. Le record chaque semaine, on monte. On est à plus de 1000 sur la page de Talents d'ici. 1600. Et aujourd'hui, on reçoit une artiste qui était passée. On peut me baisser le générique ? Doucement. Doucement. Voilà. Une jeune artiste qui était venue il y a 2 ans et demi. Pour un premier EP, c'est ça ? Bonjour Esther Milon. Bonjour David. Ça va ? Ça va très bien. Il s'est passé quoi en 2 ans ? Alors d'abord, qui est avec vous ? Parce que là, ils sont en train de triturer les boutons. Qui sont-ils ? Qui est venu ? Hélène Oswald, au chœur et au clavier, et Adrien Plessis à la batterie. Bonsoir. Plessis comme la ville. Comme les villes. Oui, mais près de Paris, il y a Plessis. Ah, il y a beaucoup de Plessis. Il y a le Plessis Picard, le Plessis Bourré, le, le Plessis Duval. Je les connais par cœur. Plessis Robinson, il y a une, le comte Plessis de Richelieu. Oui. Tout ça. Vous n'avez rien à voir avec le comte Plessis. Vous n'êtes pas c'est descendant. Le Plessis du jardin. Oui, ouais, moi je suis le Plessis le carré médiéval, le carré potager médiéval. D'accord. C'est un simple. Voilà. Ton prénom déjà ? Adrien. C'est ça, moi que je. On veux. Peut m'appeler comme ça, oui, c'est plus simple. La batterie, Adrien, c'est ça ? Il fait la batterie ? Batterie, oui. Même sur le EP qu'on présente aujourd'hui, L'Échappée ? Oui, oui. D'accord, ouais. Donc tu es dans le disque et sur scène tout à l'heure dans le live. Rappelez-moi votre prénom, jeune fille ? Hélène. Oh, ça y est, elle. Il y a Oriane qui m'a fait le coup l'autre jour. Hélène. Bonjour. Bonsoir. Il est 23h30. Vous allez appeler pour vos problèmes à l'antenne. Bonjour, nous recevons Antoine. Antoine, vous avez quelques problèmes avec votre femme ? Vous voulez en parler ce soir ? Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre quelque chose à cette émission. Oui, si, il faut, ils ont l'habitude depuis d'abord. Donc Hélène, vous jouez de quoi ? Parce que vous jouez de la voix, parce que vous faites les chœurs. Je chante et je fais les claviers d'Esther. Les claviers d'Esther. Oui. C'est un bon nom, ça, oui, les chansons. Donc ça se passe en live. Les trois, c'est la formule scène également. Oui, on fait tout ensemble. Alors, batteur, clavier. Et guitare-basse, chant pour moi. Guitare-basse, d'accord. Et on a notre ingé son à nous aussi. C'est vrai ? Qui nous suit. Et, oui. Mais il n'est pas là. Non, il travaille ce soir. On en parle soir. Pas. Si, il s'appelle Jérôme. Jérôme. Oui. En général, je déteste les Jérôme. Ah, mais celui-là, il est exceptionnel. On l'embrasse. Non, bon, il s'appelle Bertrand. Merci. C'est son deuxième prénom. Un superbe. Il est sorti en fin 2018, L'Échappée. Oui, le 15 décembre. Le 15 décembre. Il y a combien ? 6 titres ? C'est limite l'album. Hein, parce que, oui, on est à la limite, là, c'est vrai. Bah, on appelle ça un LP. Ouais. Ça, c'est un LP. Donc, il y a EP, LP. LP, il y a quelques titres de plus que sur un EP, mais ça reste une carte de visite. En plus de la carte de visite, il y a la photo d'Esther. Oui, oui. On peut rappeler le photographe ? Oui, elle s'appelle Nadia Audigier. C'est une photographe strasbourgeoise. Audigier, c'est un nom d'artiste aussi, je crois. Enfin, c'est pas grave. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Esther Milon, ça fait quoi ? En 2 ans et demi, qu'est-ce qui a changé ? Les musiciens. Déjà ? Les autres sont quoi ? Ils sont morts ? Ils ont fait des études, ils sont partis loin. Et entre-temps, j'ai rencontré les deux que vous avez en face de vous, Adrien et Hélène. Des vrais intermittents ? Des vrais intermittents, des professionnels, très talentueux. C'est vrai. C'était quand, ça, la rencontre ? La rencontre, le premier que j'ai rencontré, c'est Adrien. Il y a 2 ans. Ça correspondait à peu près au moment où les autres musiciens partaient faire leurs études, justement. Et Adrien m'a présenter Hélène. D'accord. Donc tout ça, c'est du côté de Sarrebourg. Du côté de Sarrebourg, Falsbourg, à la frontière. Il n'y a pas eu un moment de panique quand les deux autres musiciens étudiants sont partis ? Il y a eu un laps de temps très court ou Très y a eu... court. C'était très court, heureusement. Et aussi, Comment on réagit quand on se retrouve toute seule On se dit projet. Qu'il faut tout recommencer à zéro. Mm-hmm. Les chansons sont là, mais c'est vrai que quand on commence avec les musiciens, petit à petit, on construit et on découvre la scène ensemble, mm-hmm. les studios. Et donc, c'est vrai que tout recommencer, Ça fait peur, mais... Alors, j'ai travaillé un peu, j'ai potassé et j'ai vu qu'il y avait des dates importantes. C'est marqué date importante sur le, sur la, oui. sur le site, parce qu'il y a un site, estermilon.com, d'accord. Il faut que je retrouve les dates, alors je tourne des petits menins. Et dedans, il y a notamment Talent d'ici. Hein, c'est, ah ben voilà. C'est oui. génial. Il y a le festival Chanson de Mêlée, c'était où ça hein Chanson Mêlée à... Ah, Mêlée, pardon. Oui. Allez. Allez. Dans 57. Il y a eu des festivals de théâtre à Strasbourg. Vous y êtes pour quelque chose, Hélène, ou pas? De Falsbourg. Non, de Falsbourg. Falsbourg, oui. D'accord, vous y êtes pour quelque chose, d'accord. Il y a eu Radio France Culture aussi, ça. C'est, oui. c'est quoi? C'est dans les murs de la maison de Radio France? C'était au centre Pompidou, à l'occasion de, à Metz, ouais. de Imagine. Non, pas à Metz, à Paris. D'accord. Donc c'était la semaine où l'événement Imagine. Et j'ai participé à un appel à candidature en poésie. Et donc j'ai envoyé une chanson et ils ont voulu que je vienne pour jouer la chanson. Mais ça commence à dater. Donc maintenant, il y a plus de dates même dans la région parisienne qu'il y a 2 ans? Non, pas du tout. La France Culture, c'était il y a 3 ans. D'accord. Hein. Ouais, c'était... D'accord. Mais là, maintenant, est-ce qu'il y a en plus de... En ce moment, on est dans la région. D'accord. Oui. On va s'écouter un premier extrait. Il faut que je regarde sans ma loupe, alors ça ne va pas être difficile. C'est Mégalopole. Avec Esther Milon, Mégalopole, tiré de ce LP qui s'appelle L'Échappée. De ce balcon sans horizon, de cette tour multicolore, les cœurs sont des moteurs, toujours à 100 heures. Shut up. 1991, j'ai même la date de naissance d'Esther, c'est au mois d'août. On ne va pas dire que c'est le 31. Hein, je ne l'ai pas dit. Non, ben je ne le dis pas, voilà. On ne l'a pas dit. Esther Milon qui est venue de la région d'Alsace. Esther, vous avez joué à partir d'une question bête et méchante. Vous avez commencé la musique déjà à l'école ou... Toute petite, ouais. J'ai fait les ateliers musicaux pour les enfants. Les parents étaient... L'éveil musical, voilà. C'est les parents qui voulaient ou c'est... C'est les ou parents... Quand tu étais petite, tu disais, ouais, je veux faire de la musique. Moi, c'est vrai que je chantais tout le temps et puis bah, les parents m'ont inscrite à l'éveil musical et ensuite j'ai fait une école de musique pendant mon adolescence jusqu'à l'université. Je me suis même inscrite en fac de musicologie. Oui, j'ai vu ça. En plus de mes études... Et de littérature aussi. De littérature, oui. Ça veut dire quoi quand on fait des études de musicologie? On devient majoritairement quoi après? Musicien ou professeur de musique? Plutôt professeur de musique. D'accord. Ouais. Ou intermittent du spectacle. Donc tu es parti dans le monde de la musique avec pas mal d'avantages techniques déjà? Oui, avec une volonté d'en apprendre toujours plus parce que je suis vraiment passionnée par la poésie et la musique. Et à l'époque, j'envisageais d'écrire une thèse sur la chanson française qui est... D'après moi, Ali, les deux. Donc, et elle a été faite, la thèse? Non. Mais finalement, j'ai préféré aller sur le terrain directement et faire de la musique plutôt que de penser la musique et parler de musique. Voilà. Est-ce qu'il y a deux Esther? Est-ce que là, je la sens un petit peu réservée. Et dans la musique, est-ce qu'elle est vraiment différente, vous qui la côtoyez régulièrement? Elle se roule par terre sur scène. Oh, tout de suite, le fantasme. Non, c'est vraiment une petite souris comme ça, une Esther. Elle a ce côté... ouais, elle est fragile. Mmh. Et en même temps, avec une volonté incroyable. Mmh. Il y a ça, elle est comme ça. Elle est comme... Enfin, ouais, non, c'est la vraie Esther qu'on a là. Elle est concentrée. Très concentrée, très sérieuse, une bosseuse. C'est un bonheur de bosser avec elle, parce qu'elle bosse. Quand elle dit qu'elle fait un truc, elle le fait. Mmh. C'est trop bien. Parce que ce LP a été fait en combien de temps? En 2 ans? Pas du tout. Ou c'était déjà enregistré avant, il y avait déjà... En quelques mois, oui. Ah oui, bon, les chansons existaient depuis un moment, sauf certaines qui ont été écrites... assez rapidement, mais le LP a été enregistré avec les moyens du bord. On s'était fixé un objectif de date limite et donc on s'est vraiment dépêché pour le faire. Mmh. Et puis voilà, donc c'était rapide. Parce qu'à l'époque, il y avait le premier EP. Il y avait eu d'autres titres avant l'EP précédent? Oui, c'était au tout début où on avait enregistré tout ça chez moi avec les anciens musiciens dans mon home studio. Donc c'était une maquette avec les premières chansons qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait actuellement parce qu'entre-temps, on a aussi on s'est équipé en matériel, on a de nouveaux sons, des claviers. Enfin bon, c'est très différent. D'accord. Il me semblait que tu avais repris un titre de 2004 il y a 2 ans et demi, c'était lequel? Le courage des oiseaux. Le courage, on a cherché hier, on a dit le silence des oiseaux, le silence des agneaux. Le courage. Le courage des oiseaux. Tu peux nous la refaire un petit peu à cappella ou pas? Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Et tu le vois de temps en temps en concert quand même, Dominica? Tu vas le voir quand il passe Ah oui, je le suis de très près. Je suis une grande fan de ses textes et de sa voix, de sa musique. Si on te dit Émilie Loiseau, ça t'énerve? On m'a déjà parlé d'Émilie Loiseau, ça m'énerve pas, je la connais pas bien, je sais pas très bien ce qu'elle fait. Moi j'aime bien, moi j'écoute. C'est un peu le même timbre, non? Un petit peu où je dis des bêtises. Ouais, c'est des petits oiseaux quoi. D'accord. Petite souris, petit oiseau, il y a une voix comme ça, ouais. Alors les goûts, je l'ai fait il y a longtemps pour un autre groupe, alors c'est dans les goûts musicaux, il y a les Smiths. Ouais. Il y a Radiohead, ouais. Il y a The Cure, il y a déjà Antoine qui se dit. Il y a Radiohead, il y a Noir Désir, il y a Radiohead, il y a Dominique A, il y a Radiohead. Et... Mais c'est vrai que Radiohead, c'est numéro 1. Enfin, ça fait partie du top. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus meilleur que Muse. Ah oui, ah oui. C'est la classe absolue. C'est ça, Radiohead. J'aime bien parler à des gens qui connaissent la musique. Ouais. Parce qu'on parle plus trop de Radiohead. Hein, c'est... Oh, Thom Yorke fait des choses quand même tout seul. Ouais, puis ils ont sorti un album, là. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans là. Oh, je pense il y a plus longtemps. Faut que tu arrêtes de caresser toi aussi. Attends, Se caresser le sein pendant l'émission. J'ai mal en fait, c'est pour ça. C'est le mois du concert du Cerne, il faut faire attention. Hein. Oui, oui. Faire une mammographie très vite. Non, mais c'est vrai. C'est important oui, de parler. Oui, octobre rose. C'est qu'est-ce vrai. Que tu te mouches mais tu vois, en parlant de Radiohead, moi, j'adorerais qu'on ait un parcours comme ce groupe qui a évolué ensemble et qui a exploré ensemble en restant unis. Enfin, c'est un c'est beaucoup de meilleur quand même, Radiohead. Hein. C'est un peu son. Ouais, mais il y a un groupe avec lui. Tout le monde s'est renouvelé à un moment ou à un autre. Quand Kida est sorti, amnésiaque, tu dis, le tournant, quoi. Enfin, c'est génial. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Radiohead dernièrement ? Radiohead a mis à disposition gratuitement toutes les pistes d'enregistrement de quel album ? Kida ? De OK Computer. Ouais, donc, ça veut dire que si tu veux faire un remix, tu peux avoir que la voix de Thom Yorke, tu peux avoir que tel instrument, c'est génial. Donc, il n'y aura pas de menace de plagiat par Radiohead. C'est donné, donc. Ouais, non, c'est ça. Bien. Et puis, ça veut dire que c'est un terrain de jeu. Oh, on devrait faire une chanson où on pique un truc d'OK Computer. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est... Un clavier, un machin, enfin, tu vois. Je suis sûre que Bigflo et Oli vont faire un truc. Eh bien, les voici, Bigflo et Oli qui rentrent dans le studio. J'arrive pas à les imiter. Donc, deuxième titre de cette EP, c'est un LP. Autant pour moi, il y a 6 titres, il est magnifique. Bon, il n'y a pas la photo du musicien, il n'y a que Esther parce que c'est le sien. C'est ça. Donc, dessus. On a parlé du photographe tout à l'heure. Là, les photos que j'ai dans la bibliographie. Mm-hmm. Dans la biographie, entre autres, sur le site, c'est qu'il y a des photos superbes de scènes. Oui, alors la photo de scène, elle a été prise par Adrien Braganti, qui écrit aussi des textes d'ailleurs qu'on met en musique. Oui, et j'ai vu que on en parlera un petit peu tout à l'heure, tu as eu des prix dans le monde de la poésie, je crois. Oui, je participe à des concours de temps en temps. Où tu gagnes. Non, c'est marqué. Elle est modeste. Elle a l'air très modeste, mais attention, elle va se lâcher. L'échappée, c'est ce qu'on écoute ? L'échappée, c'est l'échappée. Le titre de l'EP. Éponyme. Voilà. C'est parti. Espère à la grandeur de l'océan. pour une échappée en mer. Le vent nous emportera et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Peu importe où va l'hiver, c'est l'amour qui nous guidera. Et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Pour une échappée en mer, le vent nous emportera. Et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Peu importe où va l'hiver, c'est l'amour qui nous guidera. Et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Pour une échappée en mer, le vent nous emportera. Et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Peu importe où va l'hiver, c'est l'amour qui nous guidera. Et l'horizon grand ouvert entre nos bras. Pour une échappée. Vous écoutez Talent d'ici, Esther Milon, L'échappée. Talent d'ici avec David Ménard. C'est moi. Donc, L'échappée, 6 minutes. Il y a forcément une histoire, cette chanson. J'ai juste noté, je ne sais pas si c'est voulu. Mais le vent nous emportera, c'est un peu la façon de Noir Désir, un petit peu, dont tu l'interprètes. C'est fait exprès ou c'est moi ? Ça doit être une influence, hein, parce que j'ai beaucoup écouté. Donc, Tu es allé le voir en prison, Bertrand Cantat ? Non. Non, mais voilà, il n'existe plus malheureusement. C'était une grosse influence quand même, Noir Désir, quand ça existait. C'est dommage qu'il soit passé ça, parce qu'ils avaient une vraie identité et ils avaient marqué le monde de la musique. J'aime beaucoup des visages, des figures, avec des très beaux textes. Le vent nous emportera. Des arrangements, je ne crois pas, non. Ah, c'était avant ? Non. C'était, oui. Il y a des concerts de prévus très bientôt. Là, nous sommes au mois d'octobre. Alors, pas pour l'instant. Là, on va travailler sur l'album et sur la suite des événements. Pour D'accord. nous, on va aussi démarcher pour de nouvelles dates, mais plutôt au printemps, été. Qu'est-ce qui va se passer pendant... Donc, la démarche pendant 3 mois, là, jusqu'à décembre, Noël ? Démarcher, réfléchir, travailler sur des nouvelles chansons, parce qu'on en a beaucoup en réserve. Et voilà, participer à des tremplins aussi. D'accord. C'est déjà choisi ou c'est... Oui, on a les adresses, on prépare des dossiers. Tu as fait une première partie d'un musicien, mais je ne sais plus lequel, mais c'était important, c'était à Colmar. À Colmar, c'était la foire au vin. Mais c'était pas une première partie, c'était la scène off. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Donc, suite à un appel à candidature aussi, on a été sélectionnés pour participer à la foire au vin. Il y a beaucoup de public à la foire au vin. Donc, Oui, beaucoup de monde. Ouais. T'as pas trop envie d'en parler ? Non, d'accord. On n'en parle pas. C'est... Non, mais j'avais cru... Non, c'était difficile, il y avait beaucoup... C'était extrêmement bruyant, en fait. La foire au vin, il y a plein de lieux qui se côtoient et c'est à celui qui mettra le plus fort. Et voilà, on devait jouer tout en entendant du boum boum boum d'un café, d'un bar, lounge. D'accord. Quoi. Donc c'était des conditions difficiles. Et puis le soir même, il y avait un type qui jouait là sur la grosse scène. Il a mis un son. Enfin bon. Comment Sting. Sting, oui, voilà. Ah, c'est ça que j'avais. Oui. Ouais, bon, c'était pas la première partie de Sting, hein, mais on a joué le même soir. Voilà, c'est tout. C'est un peu la fête de la bière à Munich, en fait. Ouais, c'est un peu ce sens-là. Colmar, si tu nous entends. L'émission est podcastée, hein, donc si vous avez des amis à Paris, à Bordeaux, au Mans, je ne sais pas, ou à l'autre bout de la Terre, n'hésitez surtout pas à la partager, ça sera sur la page Talents d'ici. Parce que ça existe de plus en plus, mais je ne sais pas si la Formule 3 pourrait marcher. Est-ce que dans des concerts, dans des appartements, tu as fait ou est-ce que c'est à faire ou tu... Pas encore, mais si la possibilité s'ouvre à nous, voisins, ouais, pourquoi pas. Oui. Bon, personnellement, moi j'ai déjà pratiqué, parce que j'étais en région parisienne, mm-hmm. donc des appartements, il y en a. Mm-hmm. Et ça oblige quand même à une config acoustique, entièrement acoustique. Et c'est vrai que l'idée, c'était quand même de se dégager de ça, qui était un peu ce qui s'est fait avant, un peu avant que Hélène et moi nous arrivions. Et donc l'idée, c'était un peu de se dégager de ça. Maintenant, voilà, c'est je crois que tout est possible. Hein, c'est... Non, parce que ça se fait... Bon, en général, c'est un artiste tout seul avec sa guitare. Hein, c'est acoustique, mais mm-hmm. ça peut être... Quelle est la date qui t'a le plus enthousiasmé dans celle que tu as fait sans faire injure aux autres? Assez récemment, j'ai passé un très bon moment au festival de théâtre à Phalsbourg. On a joué deux fois le même set. Mm-hmm. Et il y avait une super ambiance, c'était joli, le cadre était très beau. Aussi la petite pierre. Oui, la petite pierre, ouais. Pierre, c'était l'enfer. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, les gens étaient attentifs, quelques larmes ont été versées dans le public. C'est bien quand la musique est dans la même sensation, c'est... Non, c'est vrai, c'est plutôt rare. Enfin, les gens viennent, sont surpris, sont scotchés et ça donne envie de continuer en général, ça. Donc, ah bah, bien sûr, oui. On a eu de très bons retours, on a pas mal tourné cet été et là, d'où aussi le temps de réflexion pour nous, parce que ça s'annonce bien et prometteur. Donc, tu as un set de quoi, d'une heure et demie avec, Pour le moment, une heure et quart, une heure et demie. Ouais. Mais on pourrait, on a déjà de quoi enregistrer deux albums. Mmh. Ouais. Tu vis sereinement la progression de ta carrière Non, mais c'est important comme question, ouais. Ça. Surtout maintenant. Oui, oui, c'est une période compliquée parce que je viens tout juste d'obtenir un concours de l'éducation nationale. Mm-hmm. Et en parallèle, je suis contactée par plusieurs producteurs pour me professionnaliser dans la musique, mm-hmm. Ce qui serait mon projet numéro un. Bah oui. Donc... beaucoup de réflexion parce qu'il faut quand même payer le loyer. Mmh. Et quand on débute, c'est un risque, un gros risque à prendre que de tout quitter comme ça pour la musique. Comment ils t'ont contacté comme ça ou c'est plutôt, ils t'ont vu Ils m'ont vu plusieurs fois. Et j'ai quelques rendez-vous là au mois d'octobre. C'est génial ça. Ouais. C'est beau. C'est beau. Est-ce qu'on a le temps de s'écouter un troisième extrait? Non, on n'a pas le temps. Ça veut dire que vous allez prendre la guitare, prendre la basse. 1, 2, 3, 4. Allez vous installer, Hélène, Audrey. Audrey. Adrien. Moi, je préfère Audrey, ça m'excite carrément. Hein. Voilà. Hein. Maintenant, tu vas t'éclater avec le xylophone. Et Esther, allez vous installer, très chère. Je rappelle que le LP est en vente à combien? 8 euros, 6 titres. 1,20€ le titre. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talents d'ici. Je pense, je m'arrête avant que ça explose. Le monde est fou. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Oh, Talents d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Cette radio, avec Talents d'ici sur RCF, les deux premiers titres qu'on a écoutés, Esther, c'est ça un jeu Western, ça n'a rien à voir. Esther Milon qui est avec nous. Paranoïa, ça me rappelle un peu un titre de Radiohead, mais ce n'est pas du Radiohead. Ah oui, c'est vrai. Hein, et Le Baiser, ça me rappelle un titre de Jean-Louis Murat, mais ce n'est pas du Jean-Louis Murat, c'est du Esther Milon. Les titres tels qu'on les entend et comme on va les entendre avant l'orage tout à l'heure, ils ont été composés alors que Audrey et Adrien et Muriel ça me va bien. Voilà. Ils étaient déjà là ou parce que la voix que pose la double voix que pose Hélène c'est déjà dans la composition. Est-ce que ça dépend des titres. Il y a des titres où par exemple Tout s'embrase qu'on va écouter qu'on après. Entendra tout à l'heure. La deuxième voix est une composition d'Hélène. D'accord. C'est le cas aussi sur l'échappée qu'on a entendu. Paranoïa, ça vient de moi. Le baiser aussi. Donc ça dépend vraiment. Avant l'orage, elle a tout inventé. voilà. Je me fais plaisir sur bah oui. l'orage. On l'aura noté. Comment ça se passe? Ils proposent ou c'est toi qui leur dis tiens, j'aimerais que tu prennes les rênes à ce moment-là? Je compose. Quasiment tout sur mon ordinateur, enfin dans mon petit home studio. Et après, je leur soumets ce que j'ai préparé. Mmh. Et on travaille ça ensemble. Alors, toutes les parties batterie, percussion, je laisse totalement tout ce travail à Adrien. Et avec Hélène, on travaille certains passages, on revoit des ponts, des choses comme ça. Je ne suis pas très douée pour composer des ponts, par exemple. Donc, elle invente tous les solos, piano, qui arrivent dans quelques chansons. Donc voilà, on travaille à la fois ensemble et je compose beaucoup aussi. D'accord. J'ai vu qu'Adrien ne s'asseyait pas. Il est debout. Ça me rappelle... Il a une tête, Adrien. Alors, pour les plus vieux, c'est-à-dire moi, de Sparks. Ça vous rappelle quelqu'un, Sparks? When I'm with you. Ils avaient chanté avec Rita Mitsuko aussi à un moment, avec une petite moustache. Oh ben on va s'empresser de regarder ça. Ah oui, vous regardez les Sparks, c'était. Merci c'est... David. En plus, là, il avait l'air très sérieux, le musicien des Sparks. Il était comme ça, et avec la moustache, ça faisait un peu. Non, pas Ryan Gosling, Antoine. Non, pas Ryan Gosling. Non, j'ai eu. Ethan Hawke. Oui, Cumberbatch. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que ah oui, Cumberbatch. Ouais, celui qui faisait Sherlock. Oui, ouais, je crois que c'était après, quand il a fait ses X-Men. Oui. Là, c'est le book. Doctor Strange. Voilà, c'est ça, je ne l'ai pas vu, c'est pour ça. Bah, je l'ai vu, mais j'aurais mieux fait pas le voir. Ah, mais c'est possible. Il y a des accidents comme ça dans la vie. Oui. Excuse-nous, Esther. On va vous laisser, les gars. Mais alors, toi, par exemple, parce que tu as aussi une pilosité faciale assez développée. Moi, j'ai commencé par Christophe Lambert à 20 ans. David Duchovny, Jim Carrey. Oui, c'est les extrêmes, ah oui, Jim Carrey, hein, les yeux, ouais. Et malin, malicieux. Et maintenant, c'est Gustave Kervan. Donc ça a changé. Vous voyez pas qui c'est, c'est un qui faisait que Groland. Ah oui, bien sûr. Et qui fait des films avec de l'épine, avec Depardieu, etc. Ça te parle, Esther, pas du tout? Certaines choses, pas tout. En fait, elle vous écoute pas depuis tout à l'heure. Elle est concentrée sur sa route. Est-ce que tu te lâches un petit peu de temps en temps? Ça m'arrive, oui. Merci. Ça, c'est important. Oui. C'est une réponse claire, nette, précise. C'est une réponse. D'accord. Tu n'en diras pas plus. Non. Très bien. Je crois qu'il est temps que vous alliez. On est tenu par un contrat de confidentialité, on ne peut rien dire. Parce qu'on a déjà assisté à... Elle a des moyens de pression. C'est terrible. Une question, si les producteurs te disent oui, ils disent oui, mais si tu dis oui aux producteurs, tu es obligé de les garder ou pas? Je ne crois pas. On a aussi une clause de confidentialité qui nous unit. Elle vient de dire je ne crois pas, alors tu n'as pas besoin de ramer derrière. Oui, c'est mort, c'est foutu. C'est foutu. Tu peux avoir une clause de confidentialité. Non, mais je les garde. Tu parlais d'un groupe qui a splitté. Voilà. Non, c'est pas moi, c'est Antoine qui en parlait. Un Strasbourgeois en plus. avant l'orage, parle-nous un peu d'Avant l'orage. Avant l'orage, c'est une chanson qui a été composée à deux. Au départ, j'avais une première chanson que j'avais appelée Pourquoi j'ai peur. J'avais pas vraiment de titre, c'était un refrain. Et tous les couplets ont été composés par Adrien Braganti, dont je parlais tout à l'heure, qui a aussi fait des photos. Donc il participe au projet dans l'ombre. Donc il y a certaines chansons qui viennent de ses textes. Et tu exposes en fait tes sentiments dans les chansons. Beaucoup, oui. Très bien. avant l'orage. Et le deuxième titre, tout... Ah, je vois plus rien, moi, du coup. Tout s'embrase. Tout s'embrase avant l'orage. Tout s'embrase après, forcément, les feux de forêt. Un petit mot aussi sur cette chanson. Est-ce que tu as une anecdote, quelque chose? C'est quoi ça? Tu as mis des poèmes en musique ou pas? Des poèmes que tu écris? Oui, oui. Adrien rigole. Des poèmes en musique, oui, j'en ai mis quelques-uns. Certains se sont transformés en chansons et d'autres sont restés des poèmes. Voilà. Voilà. Alors allez vous installer pour Avant l'orage et Tout s'embrase. Esther Milon, dans Talent d'ici. La scène musicale bouge dans le Grand Est, avec Talent d'ici. Talent d'ici, avec les radios associatives de Lorraine. Thank you. Talents d'ici avec David Ménard. Il se trouve que Audrey décide de péter un plomb. Oui. N'est-ce pas? Tu peux répéter ce que tu disais, Adrien, en non, micro? Non, pas du tout. C'était hors micro et je tiens à ce que ça reste hors micro. Il critiquait la chanteuse. Ah, c'était la chanteuse? Pas du tout. Alors, avant l'orage et tout s'embrasse, ça fait partie de l'échappée de cette LP, comme on dit, longue. Non. Ce sont deux chansons qu'on joue en live, mais qui ne sont pas encore enregistrées. Ce sont des inédits, alors, quelque oui, part. Oui, des inédits, si on veut les appeler comme ça. Bah oui, c'est spécial pour nous, pour le. Oui, pour le live, bah oui, ou pour les concerts, pour aller voir les concerts. Alors il n'y a pas de date pour l'instant prévue, mais il y a un site, il y a une page Facebook, je présume, bien sûr, Esther Milon. Oui, avec les actualités quand il y en aura. Les actualités. On les mettra en ligne. Un site qui s'appelle également Esther Milon, je suppose, .com. SoundCloud, tu peux nous. Non, pas SoundCloud, YouTube. Très belle vidéo en plus. Il y en a même une où il y a de l'écho parce que tu joues dans un emplacement, dans un grand fauteuil. Ah oui, on l'a filmé chez moi cette vidéo. Ah, c'est une très belle maison. Et il y a combien de vidéos en ligne sur YouTube ? J'ai pas compté, j'ai des très anciennes vidéos, certaines où j'apparais dans mon appartement avec ma guitare. Où je chante des reprises ou autres. Sinon, des clips officiels, on en a fait 3 depuis qu'on travaille ensemble. Donc, il y a une chanson qui s'appelle En pointillé, La plus belle, donc le clip qui a été filmé c'est chez moi. C'est un titre, La plus belle. C'est un titre, et donc, c'est le titre de la chanson qui a été mise en clip. Et la dernière, Paranoïa. Sous la forme d'un clip animé. La plus belle, c'est celle où tu es devant la fenêtre ? Non, c'est pas celle-là. La plus belle, c'est celle où je suis assise sur le fauteuil et où plein de personnages apparaissent maquillés. C'est un petit peu... Oui, quand elle est devant une fenêtre dans un café, ça c'est en pointillé. D'accord, merci. Ouais. Avec Adrien Braganti qui apparaît dedans d'ailleurs. Ah oui, bah, il faut que je l'envoie, parce que je ne connaissais pas Adrien, donc Baranti. Braganti. Comme Braguette Braganti. Voilà, c'était cadeau. Oh, ça fait mal, ça. Je ne connais pas Hélène, mais... Adrien, pas si tu nous entends... tu vas me détester, je suis désolée. Mais tu nous entends, Adrien. L'autre. Moi, je vous conseille d'aller voir ces vidéos. Elles sont magnifiques et elles donnent envie d'en savoir plus. Il y aura des concerts qui seront notés sur la page Facebook. Et bah écoute, je crois que c'est le moment quasiment. Non, on a encore un petit peu de temps. D'accord, donc on va le faire. On revient sur ce LP pour l'acheter. On fait quoi ? On attend qu'il y ait des concerts et on l'achète à la sortie. Comment ça se passe ? Hélène ? J'ai une compagnie et en fait, on a un compte sur lequel on peut se rendre pour acheter le CD en ligne. Donc le lien est sur le site d'Esther Milon, de toute façon. Donc voilà. Donc on peut l'acheter en ligne, du coup pour 10 euros, il y a les frais de port compris dedans. Voilà, facile. Il suffit d'y aller. C'est une compagnie de quoi ? De théâtre. Théâtre spectacle vivant, on va dire. Voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Adrien d'ailleurs. On travaille ensemble dans d'autres projets annexes. Appelle le Bénédicte. Il va aimer. Donc du coup, il y a quoi ? Il y a le LP, il y a un EP précédemment et puis il y avait déjà quelque chose d'autre avant ou pas ? Non, il n'y avait rien avant. 2 EP, des vidéos et j'espère bientôt un album. Avec un producteur, pourquoi pas ? Avec un producteur. Logiquement, oui, parce que tel que c'est parti... Oui, ça serait la suite logique. Je crois que tu voulais annoncer le licenciement d'Adrien et d'Hélène, donc fais-le. C'est le je vais y réfléchir encore un petit peu. Un petit peu. Avant de faire l'annonce officielle. C'est dommage, j'aurais fait un scoop. On va lancer les pubs, non ? Non, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de pub. Bon, merci à vous. Oui. Merci Adrien. Merci. De ta présence. Merci Hélène. Merci pour l'accueil. Ta voix m'a fait penser à l'exorciste. Oui, ah bon ? Quand tu montes dans les aigus. Ah oui, d'accord. Et ben voilà. Et Esther Milon, merci à toi. Merci. Donc logiquement, tu reviens dans 2 ans et demi. Exactement. Si tu es à Paris et que tu chantes au niveau national et tout, tu viens nous voir quand même ? Bien sûr, je viendrai vous voir. Ah, c'est génial. Merci. Allez-y, le LP s'appelle L'Échappée. C'était Esther Milon dans Talent d'ici. À très bientôt, on remercie. Et on applaudit Antoine. Merci Antoine, bravo. Bravo. Super, bravo. Antoine. Bravo. Antoine.